Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine sur Fadjet, le rendez-vous mensuel qui met en lumière celles et ceux qui font bouger notre territoire grâce à leurs initiatives solidaires. Aujourd'hui, je vais commencer avec un chiffre. Un enfant sur 100 naît avec un trouble du spectre de l'autisme. Un chiffre qui interpelle et qui nous rappelle à quel point l'inclusion est un enjeu majeur aujourd'hui. Et justement, il existe des initiatives concrètes près de chez nous qui agissent au quotidien pour accompagner ces enfants et leurs familles. C'est le cas de l'association Artsperger, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et qui propose des ateliers ludiques et créatifs autour de la musique à destination des personnes autistes. Bonjour Eve et merci d'être avec nous. Alors Eve, tu es la fondatrice de l'association. Peux-tu nous expliquer ce que vous faites au quotidien ? Alors, l'association, donc, elle a été fondée en 2015 à mon initiative parce que j'avais envie d'aider les parents et les familles d'enfants et de personnes dans le spectre de l'autisme. Je suis moi-même mère de famille, j'ai deux enfants autistes et ma démarche initiale, en tout cas, était d'apporter aux familles et aux enfants une aide que j'aurais bien aimé avoir, en tout cas à l'époque, quand tout ça m'est tombé dessus. Malheureusement, on ne choisit pas le handicap et c'est plutôt lui qui choisit. C'est une fatalité et voilà, aujourd'hui il y a de plus en plus de troubles neurodéveloppementaux, en tout cas je ne sais pas si c'est lié à l'environnement ou si c'est les diagnostics qui se font de manière plus précoce et plus précise, mais en tout cas aujourd'hui c'est un chiffre qui est en croissance. Bref, et donc ça implique aussi un besoin d'accompagnement, ça implique aussi des loisirs adaptés, des activités adaptées. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément, par exemple, au début des années 2000, quand mon fils était encore petit. Et voilà, je me suis toujours dit que le jour où j'aurais le courage d'entendre un enfant crier à nouveau, je ferais ça. Et donc, l'association a été créée comme ça. Alors, ce n'était pas ta question, Morgane, puisque tu me demandais ce qu'on y fait. Mais en fait, on y fait de la musique et pas que. C'est-à-dire que chaque usager de l'association, donc il y a plusieurs activités dans l'association. Là, je parle précisément des activités du mercredi. Ce sont essentiellement des enfants qui bénéficient des ateliers, mais j'ai aussi un adolescent, deux adolescents et un jeune adulte. Donc essentiellement, on fait de la musique, des activités autour de la musique. Donc ça peut être reproduire des morceaux de musique, par exemple, que la personne affectionne particulièrement. Ça peut être de l'apprentissage d'instruments. Ça peut être aussi du travail sur la communication, puisque j'ai également des usagers qui sont non-verbaux. Et là, tout à coup, l'instrument de musique, en fait, devient un élément de langage et nous permet justement de trouver un terrain commun sur lequel on échange, on rit, on s'amuse. Et donc, voilà, on fait plein de choses, en fait, autour du son, des instruments et aussi de la création. D'accord, donc ce qui est au cœur de ton projet, c'est les ateliers musicaux, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe quand un enfant arrive, par exemple, à ces ateliers du mercredi, ça se déroule comment ? Alors déjà, je vais commencer par te raconter comment ça se passe la première fois qu'un enfant arrive. Parce que je pense que c'est un petit peu ça l'important. Moi, je n'ai pas de recette miracle pour dire ah ben, mon programme d'atelier, c'est comme ci, comme ça, il y a une méthode, c'est génial. Et ça marche pour tout le monde pareil. D'ailleurs, ça n'existe pas. Soyons clairs. Voilà. Quand un enfant arrive en atelier, on fait connaissance. Déjà, je fais en sorte, le plus possible en tout cas, que l'enfant se sente à l'aise et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'appréhension, d'inquiétude et de stress possible. Et une fois que cette première étape est passée, eh bien, c'est le moment de regarder un petit peu ce qu'il aime. Quels sont l'attire, quels sont le repousse, vers quel instrument il est attiré. Est-ce qu'il est attiré vers les instruments ou est-ce qu'il est plutôt vocaliste? Voilà, ça me permet de commencer à voir un petit peu se dessiner le storyboard des ateliers en creusant un petit peu les goûts de l'enfant qui arrive. Une fois que ça c'est fait, donc ça généralement ça se passe au premier atelier, la première prise de contact. Et après, en fait, bah, ça va être des ateliers sur mesure. C'est complètement adapté à la personnalité, à l'âge, aux compétences et à l'envie de l'enfant, adolescent ou jeune adulte qui vient faire l'atelier. L'idée, c'est une porte ouverte. Il n'y a pas de recherche de performance. Je ne suis pas là non plus pour en faire des singes savants ou des prodiges tout d'un coup de la musique. Alors attention, il n'y a rien de péjoratif hein, dans ce que je dis. C'est vraiment imagé. Il n'y a pas de performance. Il ne faut pas qu'il y ait de pression. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment le bien-être. C'est pas l'acquisition d'un niveau ou d'une nouvelle compétence. On est vraiment dans une recherche du bien-être, de l'échange, l'écoute de l'autre. Puisque on dit, le « on » est très général, que dans l'autisme, il y a une caractéristique dominante commune, c'est que ce sont des personnes qui sont dans leur bulle, qui ont un handicap social et qui sont plutôt repliées sur elles-mêmes. Donc vraiment, bah là, ce qu'on va travailler, c'est tout l'inverse. C'est envoyer une information à l'autre et recevoir une information de l'autre. Donc voilà. Oui, donc c'est vraiment très individualisé. Et ces enfants, tu as un nombre d'ateliers que tu leur proposes ou ça peut être vraiment dans le temps, cet accompagnement? Bah, c'est un accompagnement dans le temps puisque j'ai commencé en 2015. Et il y a quand même une majorité de jeunes adultes maintenant et qui ont commencé en 2015 et qui sont encore là en 2026. Ah oui, que tu suis encore. Les ateliers, c'est une fois par semaine. C'est, donc, quand ils sont petits, c'est une demi-heure. Après, quand ils grandissent, selon le level de concentration et de patience pour eux, ça peut aller jusqu'à une heure d'atelier. Donc, quand ils grandissent, généralement, les ateliers sont un peu plus longs à leur demande, d'ailleurs. Mais comme c'est plus une forme d'accompagnement, ça dure... Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Il y a un atelier par semaine pendant toute la période scolaire, hors vacances scolaires. C'est-à-dire que les petites vacances, les grandes vacances, il n'y a pas d'atelier. On marche de septembre à fin juin. Et on continue à maintenir un tarif d'adhésion en fait annuel qui reste assez symbolique puisque sur une année, on va dire qu'il y a 30 à 35 ateliers. Enfin, je calcule à la louche en enlevant les vacances scolaires. Donc, on va dire qu'il y a 35-36 ateliers. Pour ça, en fait, les familles payent une adhésion annuelle de 100 € par an pour avoir accès à ces ateliers. Alors, il y a certains enfants qui ont littéralement des cours de musique. Il y en a qui ont appris à jouer de la guitare ou du piano. J'ai même un usager qui a fait finalement, quand il est rentré, il commençait le collège. Et finalement, il a fait le lycée d'Ono, il a eu son BT musique. Donc, c'est une belle reconnaissance quand même de ton travail aussi. Ah ben, moi je suis heureuse quand ils arrivent à faire ce qu'ils avaient envie de faire et ce qui leur fait plaisir. Je suis la plus heureuse du monde. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai un usager. Bah d'ailleurs, je pense que je peux donner son nom à l'antenne. Il s'appelle Liam. Il a 12 ans. Lui, il a commencé les ateliers. Il avait 7 ans et il a fait de la guitare. Donc, il joue un peu de guitare. Et puis, à un moment, il est venu me dire, écoute, Eve, Moi, la guitare, j'aime bien, mais pas plus que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la robotique. J'adore les robots. C'est génial et tout. Je trouve ça super chouette. Il est très bon en maths et en sciences, ce petit Liam. Et bah là, en ce moment, on est en train de coder sur Python pour apprendre à programmer des robots. Donc voilà. Rien à voir. Alors, rien à voir. Mais moi, en plus, ça me fait. C'est bien parce que ça me met à jour, ça me fait apprendre des nouveaux trucs. En fait, c'est moi qui acquiert des compétences grâce à eux. Parce que finalement, des fois, je sors un petit peu de ma zone de confort, qui est la musique, et je fais d'autres choses. Avec Ambre, une autre petite qui a 14 ans et qui vient depuis qu'elle a 4 ans en atelier, on fait surtout du loisir créatif. Parce que elle, c'est son truc et c'est son petit moment de pause. Là, en ce moment, on fait du diamond painting. Donc, j'ai découvert ce qu'était le diamond painting. Et on papote en même temps, alors que à la base, elle était à peine verbale, là, en ce moment particulièrement. D'ailleurs, je donne le bonjour à Ambre et à sa maman. Elle est en train de se révéler, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'est vraiment très individualisé. Ouais, donc tu t'adaptes. Et du coup, qu'est-ce que tu vois avec le temps chez les enfants? Qu'est-ce que tu observes? Plus d'interactions, moins de stress? Qu'est-ce que tu peux voir? Avec moi, en tout cas dans le cadre des ateliers, il y a, pour ainsi dire, jamais de stress. C'est-à-dire que moi, j'ai une version de ces personnes qui est déjà très zen, très souriante, très contente d'être là. Après, je sais que à la maison, c'est pas forcément la même dynamique que les parents peuvent avoir. Mais par contre, à moyen long terme, effectivement, il y a une acquisition de compétences sociales qui est vraiment là, et aussi une gestion de du temps et de la concentration qui est un petit peu moins fastidieuse pour eux. Mais après, je suis pas très à l'aise avec le fait de parler de résultats parce que l'activité que je propose, elle relève pas de la thérapie, c'est pas médical. Je suis pas là, l'autisme, ça ne se guérit pas. C'est vraiment plus un bol d'air, une pause dans le quotidien que je propose. Donc, j'aime pas trop, même si sur d'autres choses qu'on fait avec l'association, notamment Aurora, là, il y a des choses qui ont été mesurées, mais plus par des psys. Donc là, je peux parler de choses mesurables parce que ce sont des psys qui l'ont dit, mais moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Voilà. D'accord. Et du coup, j'avais lu, il me semble, quelque part, un exemple d'une jeune fille qui avait prononcé un mot pour la première fois grâce au chant. Ça, c'est des moments quand même super forts que... Alors ça, c'est rien que d'en parler, j'ai... Des frissons. des trémolos dans la voix. D'ailleurs, voilà. Oui, on parle de Carla. Carla, c'est une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui, qui est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Phelan-McDermid. C'est une maladie génétique, c'est une délétion génétique du gène 22Q13, donc ça ne va pas te parler beaucoup, mais voilà, il y a très peu de personnes atteintes de cette maladie, mais ça cause entre autres des traits autistiques comparables à de l'autisme profond. Il y a une fragilité de l'aorte et du système cardiovasculaire et il y a un manque de tonicité musculaire et il peut y avoir des retards moteurs. En l'occurrence, Carla n'a pas de retard moteur, mais elle a effectivement une fragilité cardiovasculaire et elle était non verbale. La particularité de ce syndrome, c'est que les enfants, quand ils sont petits, ils commencent à babiller, à dire papa, maman, et après ils grandissent et ils régressent et ils ne parlent plus du tout. Et quand j'ai connu Carla, elle devait avoir 7 ans et demi, 8 ans, et elle ne parlait pas. Du tout. Et effectivement, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai même une vidéo. C'est très bien tombé, c'est arrivé ce jour-là, le jour où on filmait. On faisait un atelier avec Mouloudji, qui était là ce jour-là, et Daniel Fernandez, qui était venu nous rendre visite. Donc, deux artistes qui sont très liés à l'association depuis le début. Et on a commencé à jouer de la musique, et je chantais « Maman, maman !» Et finalement, Carla s'est mise à chanter « Maman ». Et après, à partir de ce jour-là, elle n'a pas arrêté de répéter « Maman » tout le temps. Et encore aujourd'hui, elle répète « Maman » et d'autres mots, parce que depuis, elle a acquis d'autres petits mots. Et elle vient toujours aux ateliers, d'ailleurs. Bon, je comprends que ça donne des frissons, ton histoire. Alors, on a parlé beaucoup des enfants, mais derrière, il y a aussi les familles. Tu les accompagnes comment ? J'imagine que c'est aussi un soutien dans leur quotidien, tes ateliers. Alors, j'essaye, en tout cas, au mieux, de partager mon expérience que j'ai pu vivre avec les familles quand elles en ont besoin. Ça peut être de l'accompagnement... administratif, par exemple, remplir un projet de vie pour la MDPH, je peux te dire que c'est pas super facile à faire. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'ai été confrontée dès 2002. Donc voilà, on est en 2026, donc j'en ai rédigé des projets de vie. Donc, ça peut être de l'accompagnement administratif comme aider à remplir du dossier MDPH. Ça peut être aussi les accompagner en ESS à l'école que fréquentent leurs enfants ou leurs enfants pour assister aux réunions et prendre parti quant aux préconisations pour l'enfant et aussi pour dire comment ça se passe chez moi et ce que je trouve qui marche ou qu'est-ce qui marche moins. Par exemple. Donc, je les accompagne à ce niveau-là. Et puis, je les accompagne aussi, j'essaye, pareil, toujours, psychologiquement, justement, en partageant l'expérience, en essayant de les déculpabiliser. Quand on est un parent et qu'on est confronté aux difficultés de son enfant, aux nuits blanches, aux cris, aux crises, eh bien, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir marre et on a le droit de le dire, en fait. Et ça, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, les gens n'en ont pas conscience. Mais oui, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Donc parfois, il y a des parents, ils ont besoin de parler à un instant T et puis de lâcher un peu tout ça et... j'essaie d'être là aussi pour ça, autant que faire se peut en tout cas, voilà. Alors aujourd'hui, tu accompagnes déjà plusieurs familles, c'est quoi tes prochains objectifs pour l'association ? Oh là là, il y en a plein. J'aimerais pouvoir prendre plus d'usagers, mais pour ça, il faut que j'arrive à ouvrir plus. Et donc, il faudrait que j'embauche des gens parce que alors j'ai des bénévoles formidables hein, qui m'aident sur pas mal de choses quand l'association organise des événements. Mais j'ai envie que l'association ait une activité au quotidien de la même manière que... alors, la comparaison, l'ampleur est différente, mais de la même manière que pourrait le faire la Croix-Rouge ou le Secours Populaire ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait des salariés dans l'association. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir ouvrir au plus grand nombre. Et pour ouvrir au plus grand nombre, il faut que j'ouvre plus longtemps que juste le mercredi toute la journée. Oui, bien sûr. Alors justement, pour continuer à développer tes actions, tu as lancé une campagne sur aucoté.fr. Donc aujourd'hui en plus, alors bon, d'ici que l'émission sera diffusée, j'espère que tu auras récolté pas mal de dons. Donc cette campagne qui est en cours, l'objectif c'est 15 000 euros. On va en parler en détail. Mais juste avant, je voudrais juste rappeler, c'est quoi Aucoté ? C'est une plateforme locale de financement participatif qui permet de soutenir des projets engagés près de chez nous. Alors le principe, il est simple, c'est que chacun peut donner et avoir un impact concret. Et c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment l'effet levier Pour 1 euro donné par un citoyen, une collectivité en ajoute 1 autre euro et une entreprise locale encore 1 euro. Alors vraiment, ce petit don peut en réalité être multiplié. Et toi, Eve, tu peux compter quand même sur le soutien financier du département de Meurthe-et-Moselle, hein, je voulais le rappeler, la Fondation du Crédit Agricole et l'Agence de Voyage Prêt à Partir pour tripler les dons citoyens qu'on attend. Et on les remercie pour cette campagne. Eve, très concrètement, ta campagne de financement participatif, tes dons, ils vont servir à quoi ? Plusieurs choses. La première, comme je l'ai expliqué, l'ADN de l'association, ce sont ses ateliers musicaux. Avec les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et donc, je souhaite vraiment pouvoir continuer, mais surtout ouvrir au plus grand nombre, investir aussi dans des nouveaux instruments de musique, parce que certains, en tout cas, sont un petit peu datés. Et puis là, il y a eu plusieurs déménagements, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on fait des actions de sensibilisation aussi. Et notamment, depuis 4 ans maintenant, on organise un festival dédié à la neurodiversité qui s'appelle le Blue Music Festival. Alors, le festival, c'est une chose, c'est une vitrine. C'est-à-dire que le festival, ça a lieu début juin à l'autre canal, depuis 2023. Donc là, on va attaquer la 4e édition. Ce sera le 12 juin à l'autre canal dès 18h30. Mais c'est une vitrine, je m'explique. Ce festival, on y trouve plusieurs choses. Déjà, on y trouve des artistes locaux. Par exemple, cette année, on va retrouver Valentine Laurent et Lisco sur scène. Mais on y retrouve l'aboutissement d'un projet au long cours géré par l'association et le CPN de l'AXOU. Et ce projet, c'est le projet de la troupe Aurora. La troupe Aurora, c'est quoi ? Ce sont des usagers d'Artsperger, des patients du CPN, qui se retrouvent autour d'un projet de création musicale et scénique. Ils composent, ils écrivent des paroles de chansons, ils jouent, ils chantent, ils interprètent, ils créent, de septembre jusqu'à juin, encadrés par moi, par des artistes professionnels que j'ai mentionnés d'ailleurs tout à l'heure. Donc il y a Mouloudji, artiste de slam nancéen, Daniel Fernandez, un artiste chanteur, auteur, compositeur dijonnais. Il y a Hugo Chalon, compositeur émérite. Nous, parallèlement, donc ça, c'est pas les mercredis, c'est les mardis, c'est un mardi sur deux. En partenariat avec l'autre canal, on anime depuis le mois de septembre là, des ateliers. Donc, les mardis matin de création. On encadre grosso modo, ils sont une trentaine, donc de personnes dans le spectre de l'autisme. Alors, il y a des enfants, ça va de 11 ans jusqu'à 60 ans pour le plus âgé. Ils viennent de tout horizon, tout milieu. Ils sont soit patients des TED, soit usagers d'Artsperger. Mais généralement, ça se croise parce que mes petits protégés, quand ils deviennent adultes, ils finissent par se faire suivre chez TED, puisque TED, c'est une unité du CPN, c'est vraiment médical. Et donc, on a créé la troupe Aurora, qui existe depuis 2024. En 2024, on a fait un premier spectacle dont le thème était le voyage sur Mars. À l'époque, ils étaient, je crois qu'ils étaient une douzaine d'artistes sur scène. En 2025, ils étaient presque 16 ou 17. Là, en 2026, ils sont presque 30. Donc, cette troupe, elle grandit. On fait un véritable travail de création avec eux. Et ça, je pense, enfin, je ne peux pas témoigner à leur place, mais je pense que ça a un peu changé la vie de certains. Justement, on parlait de résultats. Et là, les résultats de cette activité, ils ont pu être mesurés par les psychologues et la psychiatre chef de service qui gère cette unité. Et ça a amélioré la confiance en soi pour eux, ça a amélioré la prise de parole en public, ça a créé des liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est une petite famille, ils ont leur conversation WhatsApp, ils se donnent rendez-vous pour aller boire des coups en ville l'après-midi. J'allie le geste à la parole. Alors, on est à la radio, donc les auditeurs ne verront rien. Mais voilà, leur petite conversation entre eux. Alors, ils se prennent en photo, ils envoient leurs animaux domestiques. Là, il y a vraiment des liens forts qui se créent. Oui, ce week-end, ils étaient en train de boire un verre tous ensemble. Donc, ils ont envoyé des selfies. C'était des gens qui étaient isolés, qui étaient chacun chez soi avant et qui ne se connaissaient pas les uns les autres. Et du coup, ça a créé quelque chose de super. Moi je suis émue parce que c'est bien plus que ce que j'osais initier. Bien sûr. Et je pense que l'équipe ETED, qui n'est pas avec nous, mais qui va nous entendre, pourra en témoigner. Vraiment, on est tellement fiers et heureux d'être... en tout cas, les artisans de ce projet, avec l'autre canal, bien sûr, qui nous aide énormément. Donc, voilà. Donc, rendez-vous le 12 juin à l'autre canal, c'est ça ? Vendredi 12 juin, l'autre canal, ouverture des portes, 18h30, entrée à prix unique, 10 euros, sur la plateforme Hello Asso. Et il y a des petites affiches, il suffit de scanner les QR codes et vous arrivez sur la billetterie. D'accord. Donc, la campagne aux côtés, on s'est un peu éloigné du sujet, mais du coup, c'est vraiment pour soutenir ce festival ? Alors, c'est pour soutenir l'association, effectivement, donc les ateliers du mercredi et pérenniser l'association, et pour pouvoir soutenir, en fait, l'activité d'Aurora et du festival pour pouvoir continuer l'année prochaine, parce que ça coûte énormément d'argent de faire venir des artistes. Les décors, les costumes, l'équipement, la location de l'autre canal, la sécurité. Et tout ça, ça a un coût qui est très important. Et donc, on est très heureux d'avoir des partenaires comme la Fondation Crédit Agricole, prêt à partir, aux côtés France Active Lorraine, l'autre canal, pour nous soutenir. Mais on sait qu'on est fragile, donc on a vraiment besoin que le public puisse participer à cette campagne. Chaque euro compte. Oui, chaque euro compte. Et donc, je rappelle, c'est sur lorraine.aucoté.fr. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a pas que ta campagne. On a vraiment plein de beaux projets. On a, par exemple, la pédiatrie enchantée avec une campagne en cours. C'est un beau projet qui a besoin de récolter des dons citoyens pour pouvoir proposer une parenthèse artistique aux enfants hospitalisés en Lorraine, les faire oublier qu'ils sont patients le temps d'un instant. On a aussi Tessa 57 hein, qui se rapproche un peu de ton activité, qui vient de terminer sa campagne et de récolter plus de 13 000 euros. On est vraiment contents pour eux. L'idée de l'association, c'est d'améliorer l'inclusion des enfants autistes à l'école avec du matériel sensoriel et un meilleur lien entre famille et établissement. Donc, preuve aussi que l'autisme est vraiment quand même un sujet majeur. Et heureusement qu'on a des associations comme les vôtres aujourd'hui. Alors, si vous nous écoutez, vraiment, allez faire un tour sur vos côtés. Il y a vraiment de beaux projets à découvrir. En tout cas, pour terminer, Eve, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à soutenir ton projet ? Très bonne question. 10 euros, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Et c'est pas grand-chose pour... enfin, c'est pas grand-chose et en même temps, c'est beaucoup. En tout cas, pour nous, c'est beaucoup. Ensemble, on est plus forts. Et si vous avez envie de soutenir une belle cause, si vous avez envie de voir des sourires et de partager avec nous justement ce projet de création, bah vraiment, je vous invite à participer. Et surtout, en fait, au travers de cette cagnotte, vous soutenez non seulement une association, mais en fait, vous soutenez ces usagers. C'est eux, c'est pour eux. Donc voilà. Comme mot de la fin, c'est pas mal. On va partir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Eve, pour cet échange. Alors, on retiendra que derrière tout ça, y a des enfants, il y a des familles, et il y a surtout des moments de vie qui comptent énormément, et que chacun peut, à son niveau, faire une vraie différence. En tout cas, pour suivre vos actions ou soutenir l'association, rendez-vous sur tes réseaux sociaux, Artsberger. Alors, Artsberger54 sur Instagram, Artsberger sur Facebook, et autrement, il y a les réseaux sociaux aussi du Blue Music Festival. D'accord, qu'on attend avec impatience. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou si vous avez manqué un passage, rendez-vous sur fadjet.net ou Spotify. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode consacré à celles et ceux qui inventent des solutions solidaires et durables dans notre région. À très bientôt sur Fadjet. Au revoir.